Mais t'es avec Ariane du coup. Là, je... Ah non, elle fait un peu, elle a fini l'année Ah! Ah!